An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Histoire d'archives. Nous partons à la chasse au trésor, le trésor des rois de France. En toute logique, ils ont accumulé des bijoux, des joyaux, de jolis objets, mais aussi des archives et des livres. Pourquoi ? Et Biotrésor a un rouet d'avouer grande multitude de livres. Voilà ce que nous pouvons lire dans Le Songe du Verger, un texte du XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, dédié au roi de France, Charles V, dit le sage. Le trésor des rois et le trésor de la nation, voilà un bio-sujet archivé pour mieux régner. Yann Cottin, bonjour. Bonjour. Nous parlons toute la semaine des archives et il faut commencer cette série du cours de l'histoire avec une archive. Si je vous parle du manuscrit français 2700 de la Bibliothèque nationale de France, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Xavier Mauduit, il s'agit d'un recueil de plusieurs inventaires qui en fait matérialise et nous donne une sorte d'image de ce que fut la bibliothèque royale au Louvre dans les années 1360-1370. Cette bibliothèque qu'on appelait à l'époque une librairie, d'ailleurs le mot est resté en anglais « library » pour désigner la bibliothèque. Donc cette accumulation de livres consacrée à l'usage royal a été longtemps considérée comme l'ancêtre de la bibliothèque nationale. Donc, il est vrai que rue de Richelieu, là où est conservé ce manuscrit, il est considéré comme extrêmement précieux, alors qu'en fait c'est l'équivalent d'un conte, et d'ailleurs il est sur papier. Oui, c'est ça, c'est dans sa matérialité juste en fait une liste d'ouvrages. Tout à fait, une liste d'ouvrages pas toujours très bien décrite, sur une quarantaine d'années, avec des sorties, des entrées, plutôt des sorties d'ailleurs, parce qu'en fait le roi et ses proches courtisans puisent dans cette réserve de quelques 900 volumes divers et variés, en français, en latin, sur tous les sujets, mais aussi sur des sujets politiques, beaucoup de chroniques, puisent dans cette réserve, comme dans un trésor, pour, en quelque sorte, diffuser un modèle de gouvernement, un modèle aussi de culture politique, dans un contexte de guerre de Cent Ans accusée. C'est intéressant, Yann Potin, archiviste, historien, chargé d'études documentaires aux Archives nationales, maître de conférences associé en histoire du droit à l'Université Paris-Nord, et vous êtes l'auteur de Trésor, écrit, pouvoir, archives et bibliothèques d'État en France à la fin du Moyen-Âge, hein, publié au CNRS édition. C'est intéressant de se dire qu'en fait, un simple inventaire de bibliothèque est un manuscrit majeur de notre histoire, l'histoire de l'archive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes donc à la fin du XIVe siècle. Pourquoi notez-vous autour de ce manuscrit quelque chose de très particulier? Bien, en fait, la question... que ce soit pour les bibliothèques ou les archives, et même sur la distinction de ces deux grandes formes d'accumulation de l'écrit et des écrits. La question donc, de leurs distinctions relatives et tout particulièrement de leur fonction politique, n'a cessé de poser problème. C'est-à-dire que, au fond, à partir de quand émerge cette capacité du pouvoir à être garant, en quelque sorte, du savoir et également des titres juridiques, et d'en être en quelque sorte non pas le confiscateur, mais l'ordonnateur. Il y a plusieurs débats là-dessus, et dans l'Europe médiévale, depuis la fin du XIIe siècle, la question entre le pape et ses archives et sa bibliothèque, entre le roi d'Angleterre qui a une très grande capacité aussi d'archivage, les Capétiens, disons, sont pas forcément les mieux placés. Et il se trouve que on a du mal à savoir, entre Saint-Louis, Philippe le Bel, à partir de quand on peut parler d'archives royales et a fortiori de bibliothèques royales. Dans les deux cas, il faut attendre au niveau, disons, pour pouvoir les documenter. Effectivement, ce moment Charles V, qui a été identifié il y a déjà fort longtemps, comme un moment essentiel de construction d'un pouvoir royal fondé sur l'écrit, et tout particulièrement sur un écrit qui intègre le français comme langue savante et langue de gouvernement. Alors ce moment, puisque vous me demandiez quel est-il, ce moment, on le connaît sans le connaître. On le connaît parce que ce moment, c'est en fait la première grande séquence de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire après les revendications, alors que Édouard III a revendiqué, le roi d'Angleterre, énormément de territoires, il les a même conquis, Charles V, avec son fidèle connétable Bertrand du Guesclin, à partir des années 1360, et après une grande crise, même où le roi était captif, son père Jean le Bon a été captif à la bataille de Poitiers, où il y a des problèmes d'impôts, où il y a des problèmes de rançons et d'impôts pour régler les rançons, il y a des problèmes de transfert de territoire. Enfin, c'est vraiment une vaste crise. Puis il y a Étienne Marcel, des révoltes populaires, la Jacquerie en 1358. Enfin bref, c'est quand même un moment assez majeur de crise du pouvoir royal. Eh bien, Charles V va, à partir de son accès au pouvoir en 1364, vraiment reprendre les rênes en s'appuyant notamment sur des écrits de propagande, mais aussi des écrits et des titres juridiques pour reconquérir son domaine. Formidable hein, d'imaginer qu'en cette période de crise pour la royauté au XIVe siècle, quand tout va mal, c'est le début de la guerre de Cent Ans, c'est une catastrophe, le roi s'intéresse aux archives au papier, Charles V. Formidable, sans doute. Un peu à la traîne, hein, vous nous avez dit, les rois de France par rapport aux Anglais et aux Italiens. Charles V, oui, mais Charles V n'est pas le premier à s'intéresser aux livres. D'autres rois avaient eu des bibliothèques. Charlemagne, qui se faisait lire les livres. Saint-Louis, qui les aimait. Mais pour Charles V, une bibliothèque, sa bibliothèque, était une institution. Une institution qui devait continuer à exister et à s'accroître après sa mort, qui devait être inventoriée. Je peux dire qu'en somme, la bibliothèque de Charles V a préfiguré, modestement encore, parce qu'il n'y avait, je crois, que 1200 livres, elle a préfiguré ce que devait être la bibliothèque nationale un jour et auparavant les différentes bibliothèques royales. Ah, ce lien tissé à travers les siècles pour trouver l'origine de la Bibliothèque nationale de France. Nous entendions Étienne Dennery, donc grand spécialiste des bibliothèques, notamment à l'origine de la bibliothèque publique du Centre Pompidou, qui parlait de la bibliothèque de Charles V. C'était sur l'ORTF en 1968. Yann Potin, à quel moment les rois se sont mis à collectionner des ouvrages? Parce que effectivement, sont évoqués des prédécesseurs à Charles V. On a toujours collectionné les livres. Oui, vraisemblablement, là, Étienne Dennery, qui était aussi administrateur général de la Bibliothèque nationale, évoquait la figure de Charlemagne. C'est presque une figure de livre d'histoire, sans évoquer la mémoire d'Annie Cordy. Mais c'est cette idée, tout simplement, que le roi doit pouvoir être un intercesseur privilégié. C'est une figure un intercesseur privilégié, avec les clercs ou avec les sachants. C'est une figure qui, dans le principe de la royauté chrétienne, qui s'inspire quand même aussi des figures, en quelque sorte, des modèles de royauté et d'empire de la fin de l'Antiquité. C'est une figure qui n'a pas pu se passer de livres. Forcément, en effet, il y a toujours eu dans les cours, l'équivalent de livres, de bibliothèques accumulées. Et en effet, pour la France, la plus ancienne attestation documentaire, mais elle n'est pas vraiment matérialisée par un inventaire, comme pour Charles V, c'est Louis IX, Saint-Louis, au retour de la croisade en 1254, qui, d'après son confesseur, semble avoir fondé dans la Sainte-Chapelle une sorte de bibliothèque des pères de l'Église et des grands textes commentant la Bible, puisque effectivement le commentaire de la Bible est d'une certaine façon le premier traité politique ou la base de la pensée politique du Moyen-Âge. Alors, on en a une mention dans cette vie de Saint-Louis par Geoffroy de Beaulieu en 1272, mais nous n'avons pas de preuves matérielles, même si nous avons d'autres preuves matérielles qui sont certains manuscrits, liturgiques ou non, du XIIIe siècle, qui ont appartenu à certains rois, Louis IX en premier lieu, mais aussi Philippe le Hardi, Philippe le Bel, beaucoup de bréviaires, beaucoup de... Entre un roi qui, en fait, utilise les livres pour montrer sa dévotion et un roi qui utilise les livres pour porter un discours de propagande ou, en tout cas, pour servir son discours, il y a quelque chose qui se passe, et sa politique, il y a quelque chose qui se passe sans doute dans la première moitié du XIVe siècle, en lien aussi, plus globalement, avec le recours croissant à l'écrit dans l'administration du pouvoir. Oui, Charlemagne suit ce qui se pratiquait dans l'Antiquité. Il faut des ouvrages, France Gall, hein, sacré Charlemagne. Mais avec cette idée du trésor, de ce mot de trésor, il faut essayer de le définir. Mais il est extrêmement complexe. Hein, dans Trésor, écrit, pouvoir, Yann Potin, que vous publiez, trésor est au singulier, écrit au pluriel, pouvoir au pluriel. Oui. Qu'est-ce que le trésor ? Alors justement, ça c'est ce que j'ai essayé de reconstituer, c'est-à-dire que en fait la justification de ces accumulations, qui en principe dans ce monde médiéval, sont pas forcément bien vues du côté de l'Église. Parce que d'abord toute forme d'accumulation de valeur n'est pas forcément bien vue dans un cadre chrétien, et surtout, a priori jusqu'au XIIIe siècle au moins, c'est l'Église, le clergé au sens large, l'institution ecclésiale qui a le monopole de l'écrit. Donc, il se joue très certainement quelque chose dans le transfert partiel de cette maîtrise de l'écrit, et a fortiori de la conservation de sa mémoire, autour du pouvoir royal. Et on voit en effet que c'est une façon, en tout cas, ou en tout cas ça participe pour le pouvoir royal, d'une façon aussi d'assimiler la fonction royale à un sacerdoce. Donc, le trésor royal, a fortiori, je parlais tout à l'heure de la Sainte-Chapelle, où aurait été installée au milieu du XIIIe siècle une première bibliothèque royale, c'est aussi l'endroit où va se développer ce trésor des chartes, qui est le plus ancien fonds, au sens de titre, de charte, de lettres et de privilèges de la royauté, et qui s'est conservé d'ailleurs jusqu'à nos jours, où il est conservé aux Archives nationales. Mais donc, il y a un moment de décrochage qui correspond à la figure de Saint-Louis, c'est certain. Il y a une sorte de transfert, en fait, où l'écrit royal devient légitime dans un cadre très particulier qui est, entre autres, le trésor de la Sainte-Chapelle, qui, on l'oublie très souvent parce que, aujourd'hui, le trésor de la Sainte-Chapelle a été dispersé. Il reste la Sainte-Chapelle, mais pas forcément son trésor et le bâtiment qui le conservait, qui est une des principales formes de justification de la royauté française à partir du milieu des XIIIe siècle, puisque ce trésor contient la couronne d'épines du Christ, ce qui est un relativement beau morceau, enfin même très très beau morceau par rapport à d'autres reliques ayant une connotation politique. Et donc, en fait, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment, à partir de là, la royauté capétienne organisait sa légitimité autour de la trésorerie, au sens de conservation, garde souveraine, de cette couronne et de tous les trésors associés. Et justement, il y a comme une sorte d'aimantation qui va contrebalancer d'une certaine façon le pouvoir ecclésial et qui va donner à la royauté à partir du XIIIe siècle, c'est une thématique qui par ailleurs est connue, finalement la capacité d'être aussi sacralisée que l'Église et d'autonomiser le politique par la même. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce trésor ? Donc, il y a des reliques, hein, la couronne d'épines, par exemple. Nous avons évoqué des manuscrits. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On trouve à peu près toute la panoplie de ce qu'on trouve dans les trésors d'église, de cathédrales. Et du reste, aujourd'hui, je le dis puisque ça fait partie des choses qui traversent l'actualité, cette fameuse couronne d'épines a fini par atterrir par le biais de l'empereur Napoléon en 1804 à Notre-Dame, où l'incendie l'a sauvé l'an dernier, ou en tout cas ne l'a pas atteint. Mais sinon, en dehors de cette relique insigne, s'il en est, on trouve à peu près toute la panoplie des reliques de saints, beaucoup de saints orientaux, parce que plus les saints sont orientaux, plus ils sont, si j'ose dire, anciens. Et puis on trouve beaucoup de reliquaires et de joyaux, de pierreries, donc c'est aussi une réserve de valeur qui se diffuse et se diffracte d'ailleurs dans les autres résidences royales. C'est-à-dire la Sainte-Chapelle, c'est la matrice du palais royal, mais en fait, dès le XIVe siècle, les rois s'en éloignent. Mais en fait, on va trouver à Vincennes, on va trouver à Melun, on va trouver dans toutes les grandes résidences du bassin parisien des Valois et des Capétiens avant eux, ces espèces de qui ne sont pas des cabinets encore, on va dire, de merveilles, puisque cette espèce de capacité que le roi a à être le trésorier d'une intercession particulière, puisque le fait d'être un trésorier lui donne une place singulière dans le rapport, je le disais, à l'Église, etc. Donc effectivement, on trouve d'abord et avant tout des reliques, et la question est de savoir pourquoi on conserve avec soit des manuscrits, soit surtout des chartes. Je parlais tout à l'heure du trésor des chartes, qui était vraiment une pièce dédiée aux titres, aux actes scellés, aux contrats de mariage, aux testaments, aux titres de possession du domaine. C'est-à-dire, c'est comme si le roi avait conservé avec la couronne d'épines ou auprès de la couronne d'épines les titres de propriété, en employant le mot tel qu'il est, que nous appelons archives, mais qui à l'époque sont plutôt considérés comme des monuments, comme des titres de propriété. Donc ce domaine royal, qui va devenir ensuite le domaine public en fait de l'État, mais beaucoup plus tard, ce domaine royal, cette propriété royale, est comme consacré, mais vraiment au sens propre du terme, comme consacré par contact avec le trésor, dans le trésor, et par là même aussi un petit peu, non pas seulement protégé, mais sacralisé comme inviolable. Puisque tout le grand enjeu, à partir du XIVe siècle et de la construction de l'État moderne, à l'intérieur de cette monarchie anciennement féodale, tout le grand enjeu, c'est finalement de faire du domaine du roi, bientôt le domaine de l'État, et de séparer le roi de l'État, à partir de ce domaine qui va être, en quelque sorte, sacralisé sorti des logiques féodales d'aliénation. Donc le grand mot clé, c'est finalement la sanctuarisation du territoire, d'abord royal, et qui peu à peu va être tendance à être national. Mais évidemment, le mot est très difficile d'usage pour la fin du Moyen-Âge. Alors nous sommes en train de nous balader tranquillement, nous voyons la Sainte-Chapelle, nous sommes allés, je sais pas moi, au XIIIe siècle, et nous nous disons, mais c'est là qu'il y a le trésor formidable, et puis nous vous écoutons, Yann Potin, et nous nous rendons compte que la portée de ce trésor va beaucoup plus loin que simplement une accumulation de richesses. Vous nous avez parlé de la Sainte-Chapelle, de Vincennes aussi, pour la conservation de ce trésor, et puis le Louvre. Nous sommes en 1204. En ce temps-là, Paris n'était guère plus grand que ne l'est aujourd'hui un de ses arrondissements. La ville était alors le maître d'œuvre de la chrétienté. Sa renommée et son prestige avaient de telles répercussions et surtout de telles bases que le pape Alexandre IV pouvait s'écrier « La science des écoles de Paris est dans la Sainte Église comme l'arbre de vie dans le paradis ». Grand roi s'il en fut, Philippe Auguste était assez fier de ce rayonnement, mais il lui fallait, sur la rive droite, protéger un point vulnérable. Ainsi, le Louvre se peut aujourd'hui targuer d'une origine purement stratégique. Mais si le Louvre fait avant tout figure de forteresse avec les attributions d'une vraie forteresse crénelée, Philippe Auguste se hâta de lui assigner d'autres fonctions, le roi y enferma ses trésors quand il partait en guerre ou en croisade. C'est ainsi qu'en 1214, le palais devint la prison de Ferrand, comte de Flandre. Le peuple de Paris chantait « Quatre Ferrands bien ferrés, traîne Ferrand bien enferré, l'or fut Ferrand tout enferré dans la cour du Louvre, enserré. » En 1989, sur France Culture, le Louvre, au temps de Philippe Auguste. Yann Potin, justement, le Louvre prend une dimension très particulière dans cette histoire. Louvre, forteresse, prison, dépôt d'archives. Oui, alors le Louvre est comme un dédoublement en partie du palais royal de l'île de la Cité. Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'à partir de Philippe Auguste, qui, comme on le sait, est considéré en général par l'historiographie comme le moment justement de décrochage que j'évoquais entre la monarchie féodale et un embryon de ce qui va être l'État moderne, mais on en est encore très très loin. Et en effet, le Louvre, et notamment le donjon du Louvre, est d'abord la forteresse qui garde la ville à l'ouest, donc qui regarde vers la Normandie, qui est le point, à ce moment-là, de friction territoriale et domaniale principale, puisque, au fond, c'est parce que les Capétiens vont réussir, finalement, à récupérer, en 1204, justement, la Normandie, sur les rois d'Angleterre, qui étaient ducs de Normandie en même temps, qu'il va y avoir, là, une sorte d'inversion du rapport de force, et qui va aboutir, en quelque sorte, à une construction territoriale. Et d'ailleurs, le plus ancien cartulaire, c'est-à-dire le plus ancien recueil de documents officiel, appelé le registre du roi d'ailleurs, en France, date de 1204, et sera conservé plus tard dans ce fameux trésor des Chartes. Donc, en effet, le Louvre est un symbole, de pas simplement un symbole, c'est aussi une fonction, parce que le donjon du Louvre est le lieu sur lequel on prête serment au roi. Les serments des Chartes féodales sont rapportés à la tour du Louvre, le roi étant un seigneur comme les autres aussi. Et puis justement, vous vous souvenez, Yann Potin, dans le film Le nom de la rose, on s'interrogeait, où sont les livres ? Eh bien, Hato, que déduis-tu de notre petite visite ? Nous ne sommes pas ici pour rire. Mais as-tu noté combien peu de livres sont entreposés dans le scriptorium ? Tant de scribes, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, ou donc et la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail ? Et pour laquelle cette abbaye est réputée. Où sont donc tous les livres ? Savez-vous où sont les livres ? Non. Mais je gage sur ma foi que ce donjon doit contenir bien autre chose que de l'air. Dans le roman d'Umberto Eco et dans le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, nous trouvons au XIVe siècle déjà, en 1327, alors en Provence, vers la Ligurie, entre les deux, on ne sait pas trop, dans une abbaye, avec cette question, mais où sont les livres ? Yann Potin, pour un Parisien du XIVe siècle, un tout petit peu plus tard, sous Charles V, la même question se pose, où sont les livres ? Tout à fait, puisqu'en effet, vraisemblablement, il existait une tour de la librairie au palais de la Cité, dans le logis du roi, donc au cœur de l'île de la Cité. Et précisément, l'inventaire que nous évoquions tout à l'heure correspond plutôt à un transfert, à un déménagement de livres vers le Louvre, qui est réaménagé par Charles V en 1368 pour une tour. Et c'est tout à fait frappant, qui est une tour qui n'est pas le donjon, qui est une des quatre tours d'angle, qu'on appelle la tour de la Fauconnerie. Et comme son nom l'indique, d'ailleurs c'est assez subtil, c'est une tour qui est dédiée aussi, dans ses étages supérieurs sans doute, à la chasse, ou en tout cas à la conservation des faucons et des rapaces. Donc, il y a là quelque chose d'assez subtil, parce que Charles V, à ce moment-là, essaye de se distinguer aussi du modèle de l'empereur romain germanique, dont la figure, dont l'ombre portée est très liée à la fauconnerie. Frédéric II avait même écrit au XIIIe siècle, cet empereur considéré comme l'antéchrist par les papes, un traité de fauconnerie. Or, la tour de la fauconnerie va devenir la tour de la librairie. Donc il y a comme un... Alors cette tour, elle est relativement connue puisqu'elle est visible de la ville. Et évidemment, on n'a pas de témoignage pour le savoir, mais vraisemblablement, les Parisiens, contemplant la forteresse, savaient que les tours avaient des fonctions différentes, comme d'ailleurs, du reste, pour le palais de la Cité aujourd'hui, et que le nom de ces tours désignait une fonction particulière. Alors, en ce cas-là, si c'est vrai, c'est-à-dire si, effectivement, il y avait une rumeur de la présence des livres dans le Louvre, on peut dire que le roi collectionneur, le roi bibliothécaire ou le roi lecteur devient une nouvelle figure au XIVe siècle du pouvoir. Ça, c'est évident. Ce roi qui devient une nouvelle figure avec cette image du lecteur est celui qui dispose d'un trésor. Mais dans trésor, écrit et pouvoir, Yann Potin, il y a toujours cette idée. Moi, j'aime beaucoup l'idée de le roi trésorier garder le pouvoir de donner. Parce que notre notion de trésor nous pousse à penser que le trésor, ben on l'a, on le garde et on ne donne rien. Cette notion de don ici est complexe, que vient-elle faire là ? Alors oui, c'est tout cette question transitoire entre les trésors ne sont pas des musées. C'est un débat assez clair aujourd'hui. D'ailleurs, Christophe Pomian publie en ce moment son maître œuvre sur l'histoire mondiale des musées. Et effectivement, le trésor est une des figures préfiguratrices du musée, mais aussi de la bibliothèque, des archives. Et c'est ce que ce livre, en partie, essaye de travailler. Mais le trésor médiéval est, comme on le voit d'ailleurs dans les chansons de geste ou le trésor aristocratique ou le trésor, disons, chevaleresque, c'est aussi avant tout un réservoir pour distribuer des faveurs. En effet, on n'est pas dans une logique de protection patrimoniale, on est avant tout dans une logique de distribution. Et on est dans cette espèce de mixte entre des valeurs qu'on pourrait considérer comme féodales ou, disons, liées à des relations homme à homme, hein, de bénéfices, d'honneur, et la construction d'un domaine particulier, de plus en plus protégé, qui va devenir inaliénable et qui va ensuite, disons, être le patrimoine de l'État. Avec cette très longue temporalité, allez, partons au XIIe siècle, Hildegard von Bingen. Yann Potin, est-il possible d'écrire l'histoire de la construction de la monarchie française à travers la manière dont sont collectés, archivés même, tous les documents? Alors, on parle de cartulaires, on parle de chartes et de livres. Alors oui, je dirais que c'est possible, en tout cas c'est une autre façon, c'est un autre angle d'approche pour saisir justement cette transition complexe et qui a occupé beaucoup les historiennes et les historiens de l'État, et aussi les juristes, c'était à partir de quand on peut parler d'État, et plus simplement, oui, de royauté, féodale, ou avec justement ce côté un petit peu non structuré par le droit notamment. Alors, en effet, moi, mon pari, c'est essayer de prendre la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire voir non pas l'usage de l'écrit comme un indice absolu, parce que ça, en effet, on voit bien que l'administration, la bureaucratie, on peut dire qu'à partir du XIIIe siècle, elle est en place. Ça, c'est une chose, et elle est même certainement en place avant, en tout cas au XIIe siècle, dans la monarchie en Plantagenet, en Angleterre, et pour la papauté, j'en parle même pas. Mais la question, c'est plutôt à partir de quand on crée à l'intérieur de cet instrument qu'est l'écrit un secteur privilégié que nous, on va appeler progressivement les archives ou, les bibliothèques, c'est-à-dire où on se met à protéger un certain nombre d'écrits comme ayant plus de valeur que ceux qui circulent. Et c'est là où il y a peut-être une chronologie différente qui nous ramène peut-être plus, en effet, sur le XIVe siècle que sur le XIIIe siècle. Alors, c'est évidemment, vu de notre XXIe siècle, ça paraît un détail, mais c'est quand même très important parce que c'est la question de savoir dans quelle mesure les archives sont, en quelque sorte, à l'origine du pouvoir, ou si c'est le pouvoir qui a besoin des archives pour en permanence se refonder, se relégitimer. C'est quand même pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, vous pouvez répondre, Yann Potin, à votre propre question. Les deux, mon général. En voilà. C'est ça, hein. ça va de pair. Ce qui se met en place sous Charles V, donc au XIVe siècle, est en fait la base de ce que nous connaissons pour les siècles qui suivent. Est-il possible de tirer la chronologie encore? Alors, 15e, 16e, 17e siècle, ou quels sont les grands changements? Ah, alors ça, c'est effectivement un vaste sujet. Disons que l'expérience du XIVe siècle, il y a cette expérience de sacralisation des chartes auprès de la Sainte-Chapelle dans le cadre capétien, qui va se poursuivre, mais qui va en même temps se fossiliser, c'est-à-dire que le trésor des Chartes va rester comme une sorte de magasin d'antiques de la royauté, où la royauté va pouvoir en permanence se rappeler, un peu comme dans une logique généalogique, elle remonte à Saint-Louis, d'ailleurs sur l'autel, enfin sur la table principale du trésor des Chartes, qui était une sorte de sacristie, était exposé un seul document, c'était la bulle de canonisation de Saint-Louis. Et ce document a été exposé donc du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, date à laquelle le trésor des Chartes a dû être déménagé à la veille de la Révolution. Alors dans l'intervalle, on peut dire que les archives administratives de la royauté se sont disséminées de manière, non pas anarchique, mais en tout cas, je dirais, de manière centrifuge, et non pas du tout centripète. C'est-à-dire que l'État n'a cessé de générer des formes concurrentielles d'administration, de corps d'État, le Parlement, la Chambre des comptes, toutes les cours possibles et imaginables, et toutes avaient des archives particulières qui étaient leur privilège en quelque sorte. Donc il y a quelque chose de très très très très fascinant à voir en fait les archives accompagner une logique de croissance de l'État qui est, oui je disais, centrifuge. Voilà. Et alors il y a quand même quelques grandes étapes. C'est-à-dire que le XVIe siècle, et ça c'est sûr, avec les guerres de religion, avec un certain nombre de conflits aussi de confession, marque un, avec aussi un modèle impérial très fort autour du château de Simancas en Espagne, créé par Charles Quint, qui va être un des archives centrales de la monarchie castillane, il va y avoir un grand tournant au XVIe siècle. Mais globalement, c'est vrai que cette logique, on va dire centrifuge, elle va durer jusqu'à la veille de la Révolution. Et justement, attention, ces documents sont signes de pouvoir. Ces documents qui nous intéressent dans le cours de l'histoire sur France Culture, histoire d'archives, archivées pour mieux régner. Le savoir, c'est le pouvoir. France Culture. Arrêtez-le. Le cours de l'histoire. Tranchez-lui la gorge. Xavier Mauduit. Arrêtez. Attendez. J'ai changé d'avis. Maintenant, relâchez-le. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Ah, dans Game of Thrones, le pouvoir, c'est le pouvoir. Au moins, c'est clair. Dites donc, Yann Potin, vous nous expliquiez que les archives telles que nous les concevons du temps de Charles V au XIVe siècle se fossilisent et qu'elles se dispersent au sens où il y a plusieurs producteurs d'archives, vous savez. Mais au XVIIIe siècle, c'est exactement pour nous. Au moment de rechercher une attestation de domicile pour remplir, je sais pas quoi, n'importe quel document, on cherche, ah là là, où il est le livret de famille, on ne trouve pas. Bah, c'est pareil pour les rois de France. On sait combien on eut de peine, il y a environ 60 ans, à trouver le contrat de mariage du roi Louis XIII. Et ce ne fut que par hasard, et après bien des recherches inutiles, qu'on le trouva chez un épicier. Le roi fut sur le point de souffrir, il y a quelques années, un préjudice considérable par la mauvaise interprétation qu'on voulait donner contre Sa Majesté à un article du traité de Marsal. On soutenait pour le roi, et avec raison, qu'il y avait une faute d'impression dans les exemplaires imprimés de ce traité. On voulut avoir recours à l'original. On ne le trouva ni chez messieurs les secrétaires d'État, ni au trésor des Chartes. Et si l'on avait eu le bonheur d'en recouvrer un imprimé fait en Lorraine dans le temps même de ce traité, la justice de la cause du roi aurait succombé par une faute d'impression. Sa Majesté sait que depuis très peu de temps, ayant voulu voir l'inventaire des meubles de la reine-mère, il n'a pas été possible de le retrouver. Au lieu que s'il avait été déposé au trésor des Chartes, le roi l'aurait eu d'un moment à l'autre, au premier ordre qu'il en aurait donné. En 1711, le procureur d'Aguesso dit simplement « il faut bien ranger ses papiers administratifs, sinon on ne retrouve rien ». C'est au moment de rechercher le contrat de mariage du roi Louis XIII, donc un contrat de plus d'un siècle, Yann Potin. Oui, bah, tout à fait. C'est tout à fait symptomatique justement de cette logique de dispersion. C'est-à-dire qu'en fait, les écrits ont toujours été trop nombreux, sans doute, ou très vite trop nombreux pour pouvoir être maîtrisés. Alors là, on peut être extrêmement surpris parce que le contrat de mariage d'un roi, c'est un acte en fait privé, c'est un acte notarial. Hein. La logique aurait voulu qu'une copie au moins subsiste au Trésor des Chartes. Or, en effet, le Trésor des Chartes, depuis la fin du XVIe siècle, était quasiment, je disais, non pas abandonné, parce qu'il était toujours au cœur du système topographique de la monarchie, mais il n'était plus alimenté. Et cette très belle histoire, qui est quasiment un exemplum du contrat de mariage de Louis XIII, résume le malentendu. C'est-à-dire qu'en effet, la mémoire la royauté n'a pas forcément, je dis pas qu'elle a une mémoire de poisson rouge, mais elle fonctionne sur des registres d'écrits qui sont beaucoup plus liés à des questions de structure que des questions ponctuelles, bien que les contrats de mariage sont essentiels, puisqu'en général, il y a des affaires domaniales, des échanges de territoires. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, c'est pas pour le plaisir d'un acte, de privé. Donc, ce contrat de mariage de Louis XIII a symbolisé, en effet, au début du XVIIIe siècle, et c'est pas pour rien que le procureur d'Aguesso, Henri d'Aguesso, qui était justement, en tant que procureur général du roi en Parlement, le responsable du Trésor des Chartes, désigne le fait que le Trésor des Chartes, non pas ne sert plus à rien, mais n'a plus qu'une valeur symbolique, et ça depuis longtemps. Et en fait, c'est cette valeur symbolique qu'il va conserver même jusqu'à la veille de la Révolution. Et en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune vision d'ensemble des archives monarchiques, puisqu'elles sont partout. On relevait, par exemple, en 1789, dans Paris Intramuros, 400 lieux qui conservaient des archives de type royal. 400 lieux. Alors c'était souvent des réserves, hein, des hangars, hein, enfin souvent c'était d'ailleurs dans des couvents, désaffectés ou en partie. Et sur le territoire, on relève, à la veille de la Révolution, plus de 5000 points de dépôt, d'accumulation, qui contiennent des archives publiques ou l'équivalent des archives publiques. Donc, et ça va être la grande, évidemment, aventure et mésaventure aussi, enfin complexité, de savoir ce qu'on va faire de toute cette masse. Mais en effet, cet unique document du contrat de mariage de Louis XIII, recherché au début du XVIIIe siècle, puisque Louis XIII s'était marié en 1615, donc un siècle plus tard, résume, précipite en elle-même ce malentendu, à la fois cette puissance de l'écrit et en même temps sa fragilité par sa dissémination en tant qu'archive. Alors à quel moment décide-t-on de prendre les chevaux par les cornes, parce que les chevaux n'ont pas de cornes, rappelons-le, Yann Potin, et de se dire, on range les papiers, on range tout notre bazar, ces centaines, ces milliers de dépôts d'archives, et l'on constitue des archives pour, alors, la monarchie ou la nation? Alors voilà, c'est l'expérience de la Révolution française, mais de la première Révolution française, enfin prolongée aussi pendant la République, mais en tout cas de la Constituante. C'est à l'idée des constituants, au cours des États généraux, qui deviennent Assemblée nationale, c'est de créer un dépôt unique. Ça va se passer entre l'été 89 et l'été 90, qu'on va appeler Archives nationales par une loi de septembre 1790, mais qui est surtout désigné pour conserver les actes de ce qui va être le nouveau régime, c'est-à-dire la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, qui est son préambule, et toutes les pièces justificatives de la Constitution et le prolongement de la Constitution que sont les lois. Donc c'est en fait, là encore, un dépôt unique, mais dédié à un très petit nombre d'actes. Et en parallèle, va se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de toutes les archives d'Ancien Régime, en sachant qu'une grande partie de ces procédures doivent être éliminées parce qu'elles sont fausses ou sources d'erreurs du point de vue du nouveau droit en gestation. Mais elles sont aussi source d'histoire, puisque la Révolution invente, même si on a toujours cette image de la table rase, la Révolution invente le patrimoine et notre fonction, on va dire, édificatrice, éducative de l'histoire, même si elle n'a pas eu le temps de le mettre en application. Donc se met en place un énorme triage des titres, avec des bureaux, des agences, à partir de 1793-1794. Sauf que en fait, ils vont travailler un peu. Quand on va se rendre compte qu'en fait, ça représente des centaines de tonnes, eh bien, dans les départements, on va s'arrêter, ce qui va faire que du coup, va rester dans les départements une très grande richesse d'archives d'Ancien Régime. Mais c'est vrai qu'à Paris, et dans le cadre des archives nationales, on va beaucoup trier. Et donc, on va créer des archives historiques à côté de ces archives du présent que sont les archives de l'Assemblée, les archives des lois. Et dans ce processus, c'est comme un jeu de presque de taquin. Le Trésor des Chartes, qui lui, justement, était resté, en termes de volumétrie, assez modeste, va prendre une place décisive, parce qu'en fait, il est tout à fait, comme il n'a pas été alimenté depuis 300 ans, il reste un espèce de vestige, une sorte de débris sublime qui va être consacré au cœur de l'historiographie et des archives nationales à partir du 19e siècle, et notamment avec Daunou qui, sous Napoléon, va en faire un petit peu le centre névralgique des archives impériales. Demain d'ailleurs, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ces si chères archives napoléoniennes. Sont-elles chères ? Archi cher, voilà. Et puis nous allons aussi réfléchir, c'est mercredi, hein, sur, au bicentenaire de l'école des Chartes, parce que ces archives n'ont pas pris une ride. Malgré tout, bah, faut vous dire, elles bougent plus, elles sont complètement figées dans le temps. Et au 19e siècle, il y a ceux qui réfléchissent à la notion d'archives. Et à ce moment-là de l'émission, nous croisons Jules Michelet. Il y a plusieurs hommes dans Michelet, comme dans chaque homme du reste, mais il y en a un peu plus chez lui que chez un autre. Il y a d'abord, et c'est ce qui frappe tous les yeux, l'homme de travail, le déchiffreur de manuscrits et d'archives, toujours répandu en mille écritures, les yeux sur le livre, la plume sur le papier, la pensée partout courant ensemble, d'une ardeur toujours plus vive. S'il revient à l'histoire pure, ses goûts d'artiste se font jour sous une nouvelle forme. Il n'abandonne pas ses textes, ses archives, ses manuscrits, mais le voilà curieux d'estampes, de dessins, surtout de portraits. Il y voit mille choses, on ajoute mille. Ce trait, c'est la cruauté. Ce pli, la sensualité. Cette courbe, l'orgueil. Et derrière cette tête transfigurée et grossie, un siècle se dessine. Les foules grouillent, les champs de bataille se creusent, les échafauds se dressent, les bûchers s'allument, que domine cette figure désormais vivante, plus que vivante, symbole d'un âge, génie salutaire ou malfaisant de tout un monde. En 1974, sur France Culture, dans l'émission Telle qu'en eux-mêmes, Philippe Moreau lisait un texte d'Émile Faguet. Émile Faguet, critique littéraire du début du XXe siècle, qui évoquait Jules Michelet. Michelet et les archives, Yann Potin, personnage essentiel dans notre représentation contemporaine de l'archive. Alors, d'autant plus essentiel qu'il y a passé aux Archives nationales 22 ans, entre 1830 et 1852. Alors, on le connaît surtout pour être d'abord un écrivain, un historien qui écrit l'histoire de France à partir de 1833 et pour une trentaine d'années. Et cette histoire de France reste à tel point une référence que, bah, par exemple, Le Monde la réédite actuellement de manière hebdomadaire. Mais en fait, cette nouvelle façon d'écrire l'histoire a une source d'inspiration. Alors, c'est pas encore tout à fait une source d'érudition. Ça, c'est justement l'école des Chartes qui va la mettre en place en parallèle dans ces mêmes années. C'est-à-dire que les archives et le lieu des archives, et notamment ces masses accumulées de vestiges d'épaves, va devenir pour Michelet véritablement un lieu mystique qui lui fait, comme le dit très justement d'ailleurs le passage d'Émile Faguet, qui lui fait comprendre la sensualité ou la matérialité du temps, de son épaisseur. Et de fait, il va saisir l'histoire même des archives, y compris à travers la Révolution, y compris à travers la destruction, y compris à travers la confiscation des archives de l'Europe et de la papauté par Napoléon. Enfin, toute cette histoire qui vient de s'effondrer sous ses yeux ou peu de temps avant lui, ce grand tumulte d'archives depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la monarchie de Juillet qui en parallèle invente les monuments historiques, eh bien, il va les saisir comme en fait une façon très presque en archéologue de sentir la rugosité du passé et en même temps le pouvoir de résurrection qui va devenir son grand thème, voilà, la résurrection, l'histoire comme résurrection intégrale du passé, à partir de quelque chose qui est pour lui fondamentalement une espèce de passé survivant dans le présent. Il va s'en inspirer, il va éditer des pièces ou faire éditer des pièces comme le Procès des Templiers en 1841, et il va en fait véritablement avoir une sorte d'inspiration mystique par cette convivialité qu'il a eue pendant deux décennies. Et qui sont vraiment ces décennies où il écrit le procès de Jeanne d'Arc, qu'il discute avec Jules Quicherat, un chartiste, qu'il édite en même temps, etc. En fait, tous les grands livres de Michelet jusqu'à l'histoire de la Révolution française elle-même sont inspirés dans le bain des archives. Voilà. Et pour la Révolution française, qui commence à publier en 1847, à la veille de la Seconde République, il est là même en contact avec des choses que personne n'a jamais vues encore, puisque ce sont des archives encore considérées comme confidentielles à l'époque. Eh oui, cette question de la confidentialité des archives, Yann Potin, vous nous conduisez de ce manuscrit français de 1700, celui donc du 14e siècle, jusqu'aux archives du 19e siècle. On a bien saisi que du temps des rois de France, il y avait une volonté de légitimer le pouvoir à travers les archives. Après la Révolution, toujours cette question archivée pour mieux régner. Comment se construit maintenant ce lien entre le pouvoir et l'archive? Il y a toujours cette volonté de se légitimer en mettant des archives sous protection? C'est-à-dire que depuis... Alors la Révolution avait inventé les archives publiques, en quelque sorte d'État, mais dans un sens limité. Et puis le 19e siècle a déployé, si j'ose dire, là encore selon une logique centrifuge, beaucoup de dépôts un peu partout. Et il faut attendre la loi de 1979, donc c'est très récent, pour que, en quelque sorte, il y ait une sorte de régime légal des archives d'État. Et qui inclut, y compris, le secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire enfin, le cœur du, la tour de contrôle du pouvoir, même si c'est une tour de contrôle qui tourne, par définition, dans le temps. En effet, on conserve pour le 19e siècle et une grande partie du 20e siècle, les papiers de l'exécutif suprême sont très mal conservés. Hein, ou alors dans des fonds privés à la faveur de chutes. Et il a fallu mettre beaucoup de temps, par exemple, à convaincre la famille d'Orléans de déposer aux archives nationales en 1969, donc quand même 120 ans après la chute de Louis-Philippe, l'équivalent de la maison d'une grande partie, en fait, du gouvernement du roi Louis-Philippe, etc., etc. C'est un peu pareil pour la famille Napoléon, même si, évidemment, Napoléon avait, lui, créé, alors là, pour le coup, un service d'archives central, les archives de la secrétaire d'État, qui est longtemps resté le modèle, je dirais presque, d'administration du pouvoir par l'écrit, en plus à une échelle européenne. Aujourd'hui, disons que là encore... On peut dire qu'il y a un phénomène vertueux d'immense accumulation depuis une cinquantaine d'années des papiers, mais c'est cette énorme masse, malgré le numérique aujourd'hui, qui ne permet pas de hiérarchiser directement ce qui serait le plus important, le plus immédiat. Je ne dis pas qu'on l'exemplum du contrat de mariage de Louis XIII pourrait arriver aujourd'hui, mais... Mais pas loin. Pas loin. Et justement, quand il y a des débats autour d'une intervention du pouvoir sur les archives, cette instruction générale interministérielle sur le secret défense, alors le président de la République est revenu en arrière. Vous, Yann Potin, sur cette longue histoire des archives, vous voyez cela comme une continuation logique, un épisode comme un autre, ou alors comme quelque chose qui représente une rupture? Non, il y a beaucoup de continuité. Alors, en sachant qu'en plus, là, on parle d'un domaine très particulier et qui, en France, à la différence d'autres pays, est très séparé des archives centrales, ce sont les archives de la Défense. Il se trouve que la France a des archives, les archives du ministère de la Défense et de ses services associés sont à part. Sauf que les archives, par définition, c'est disséminé, on l'a beaucoup dit, et il y a des documents d'archives du ministère de la Défense un peu partout. Et là, c'est plus, je dirais, une concurrence interne au sein de l'État central entre les services que véritablement une sorte de, et notamment avec le ministère de la Défense qui est aujourd'hui quand même, qui a une place de choix pour tout un tas de raisons, que ce soit l'état d'exception, que ce soit avant, c'est plus une concurrence en qui contrôle l'État, ou plutôt qui est le centre de gravité de l'État, mais c'est pas l'État en lui-même. L'État, il est produit de sa propre division, toujours en permanence, de sa propre concurrence. Donc, c'est des influences relatives, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pose de gros problèmes, parce que c'est en contradiction avec la loi sur les archives, qui, en principe, ne reconnaît pas un tel poids rétroactif de la confidentialité. Merci beaucoup, Yann Potin, pour cet éclairage sur l'actualité, à travers cette histoire de trésor, écrit, pouvoir, archives et bibliothèques d'État en France à la fin du Moyen-Âge, c'est votre ouvrage, CNRS Éditions, un ouvrage avec une préface de quelqu'un que nous connaissons bien et que nous aimons bien, Boucheron, Patrick Boucheron, qui dit des choses sur vous, on aimerait bien entendre ça souvent. Non, mais il rappelle votre soutenance de maîtrise, il dit « j'ai appris ce... » jour d'un historien de 20 ans, on est très sérieux quand on a 21 ans, qu'il ne servait à rien d'accumuler du savoir si on se laissait griser par son érudition. Boucheron a appris de vous, dites donc, ça fait plaisir, hein, n'est-ce pas? Vous avez un projet avec lui sur Arte? Oui, en effet, enfin c'est plus qu'un projet, c'est-à-dire que le 10 avril prochain, nous lançons un magazine hebdomadaire d'histoire sur Arte qui va s'appeler Faire l'Histoire, et donc c'est tous les samedis à 18h15. Faire l'histoire avec vous, Yann Potin, et avec Patrick Boucheron. Et pour le moment, nous lisons le journal de l'histoire avec Anaïs Kier.